بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant ? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine ? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Et envoyer sur eux des oiseaux par volée. Qui leur lançait des pierres d'argile. Et il les a rendus semblables à une paille mâchée.